Chers auditeurs et auditrices de Canal B, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, émission entièrement podcastable et écoutable en streaming sur son blog asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/redman. Cette semaine, dans l'Asile le plus sûr, un anniversaire et pas n'importe lequel. Il s'agit des 40 ans de la sortie de l'album Rock Bottom, publié très exactement le 26 juillet 1974, le jour même du mariage de son auteur, Monsieur Robert Wyatt, avec sa muse illustratrice et songwriteuse Alfreda Benj, la fameuse Alifie à qui ce disque culte est destiné. Donc Rock Bottom dans l'Asile le plus sûr, un disque à tiroir et à showstrap qu'on va déplier pendant 90 minutes. Alors Rock Bottom, c'est un peu le disque de la rédemption de Robert Wyatt, chanteur, batteur, qui était très en vogue dans le rock anglais de la fin des années 60, début des années 70. Le fameux rock dit de Canterbury, notamment au sein des formations les Wildflowers et surtout The Soft Machine ou encore Matching Mole. Un musicien donc au sommet qui est passé par la fenêtre du quatrième étage d'un appartement où se tenait une fête extrêmement alcoolisé le 1er juillet 1973, ce qui l'a rendu paraplégique et donc paralysé des jambes, obligé de se déplacer en fauteuil jusqu'à la fin de ses jours. Donc un disque en forme de rédemption a été enregistré au cours de l'année qui a suivi ce drame. Un disque en forme de nouveau départ avec un travail davantage sur la voix et sur les claviers. Et quelle voix que celle de Robert Wyatt. Je propose de vous raconter l'histoire de ce disque Rock Bottom pendant une heure et demie. Et on commence par le titre qui ouvre cet album, le morceau Six Songs, avec, pour ne rien gâcher, une version non masterisée issue d'un pressage américain de l'été 1974 de ce joyau sorti à l'époque sur le label Virgin, le disque Rock Bottom. « different in the spring. I know you're a seasonal beast, like the starfish that drift in with the tide, with the tide. So until your blood runs to meet the next full moon, your madness fits in nicely with my own, with my own. Your lunacy fits neatly with my own, my very own. Thank you. Cette semaine dans l'asile le plus sûr, on rend hommage à Rock Bottom, l'album de Robert Wyatt qui était sorti à l'été 1974 en Angleterre et un peu partout dans le monde. Un album qui avait fait une petite détonation dans le monde musical et des gens qui s'intéressaient aussi au rock de Canterbury. Un disque qui mélange pop, avant-garde, jazz et symphonie de poche façon Brian Wilson. On a entendu tout d'abord donc le disque qui ouvrait ce fameux, le titre qui ouvrait ce fameux album, le morceau Six Songs, donc des titres qui ont été composés principalement l'année précédente, voilà, donc sur une période assez longue et même avant la chute assez fatidique de Robert Wyatt du printemps 1973. Juste après cet extrait Six Songs de Rock Bottom, je vous ai mis un peu en miroir l'album suivant de Monsieur Wyatt sous le titre Ruth is Stranger Than Richard, qui lui était paru au printemps 1975, pour montrer un petit peu la différence de son et d'état d'esprit entre ces deux albums sur lesquels on retrouve en tout cas la voix assez incroyable de Robert Wyatt. Donc Rock Bottom, qui est un disque sur lequel on retrouve pas mal d'expérimentations vocales qu'il avait pu démarrer au début des années 70 ou même à la fin des années 60. Ça avait donné lieu à un premier disque sous le titre The End of an Era, avec beaucoup de travail studio, mais des compositions nettement plus expérimentales et nerveuses, pas vraiment de style affirmé, contrairement à Rock Bottom, pour lequel on peut vraiment parler de concept album, avec des pièces beaucoup plus aérées et une inspiration assez incroyable. Un disque sur lequel on retrouve donc la plupart de ses co-religionnaires de la scène dite de Canterbury, notamment Hugo Peur, le bassiste du groupe qu'il avait viré The Soft Machine à l'orée des années 70, ainsi que Richard Sinclair avec lequel il avait collaboré dans les Wild Flowers, et aussi au sein de la formation Matching Mall, qui avait suivi le deuxième groupe que Wyatt avait eu juste après The Soft Machine. Et je vous propose d'ailleurs de continuer avec Matching Mall et le premier album historique de Matching Mall, sorti à l'époque chez CBS en 1972. Alors cette formation assez typique du rock de Canterbury, puisqu'elle comptait la plupart des membres des formations importantes de ce mouvement, notamment Phil Miller de Delivery ou encore Bill McCormick. Richard Sinclair, donc, qui a fait partie de la toute première mouture et qui lui officiait dans Caravan juste avant, et qui a été remplacé par Dave McRae au clavier. Donc une formation qui a eu une existence très très courte, Matching Mall, démarrée à l'automne 1971, dissoute en septembre 1972. Il y a eu une courte reformation au printemps 1973, mais évidemment donc cette formation n'a pas pu perdurer à cause de l'accident fâcheux subi par Robert Wyatt le 1er juin 1973. Alors on dit souvent que l'album Rock Bottom devait être en fait le troisième disque de Matching Mall. On verra plus tard qu'il n'en est que c'est pas aussi clair que ça. En tout cas, des thématiques et un état d'esprit que Robert Wyatt avait commencé à développer tout au long des années précédentes. Et pour en revenir avec à Matching Mall, ils ont quand même eu le temps d'enregistrer deux albums studio pour CBS ainsi qu'un single et faire pas mal de concerts aussi entre janvier et septembre 1972, le moment où le groupe s'est dissous, sans doute dû à des pressions un peu trop importantes que Robert Wyatt avait l'impression de subir, notamment aussi l'alcool et les contingences habituelles de la vie d'un groupe. On écoute deux titres assez emblématiques de la musique de Robert Wyatt au sein de la formation Matching Mall pour laquelle il composait la plupart des titres. On démarre avec le morceau assez classique, donc Instant Pussy. Thank you.

La voix très peuplée à l'intérieur de Mr. Robert Wyatt avec principalement des compositions de l'époque Matching Mole 1972. Tout d'abord, deux extraits du premier album sorti chez CBS en début d'année donc 72, Instant Pussy et Sind Curtain, qui étaient enchaînés avec le titre God Song, qui lui figurait, si je ne m'abuse, sur le deuxième opus. Le Little Red Record de Matching Mole, mais là on l'écoutait dans une version complètement différente et réarrangée en duo avec monsieur Francis Monkman, qui était l'un des fondateurs du groupe Curved Air et avec lequel Robert Wyatt s'était accoquiné pour revisiter le répertoire de sa formation Matching Mole, très exactement donc le 5 décembre 1972. Ils avaient bénéficié de quelques heures du studio de la BBC pour y graver 5-6 titres, dont cette séquence God Song enchaînée avec Folderol, qui était un titre qu'il avait emprunté à ses camarades de Hatfield and the North, et notamment Mr. Sinclair, pour donc les réinterpréter en compagnie de Francis Monkman. Alors donc il cherchait pas mal de choses à l'époque, notamment un côté nettement plus symphonique et une autre approche des mélanges entre clavier et ses vocaux, toujours très très très très incroyable. Donc différents orgues, des orgues et même du VCS 3 sur ces titres, des réarrangements par Francis Monkman en accompagnateur de Robert Wyatt, et deux morceaux qu'on peut retrouver d'ailleurs sur une compilation qu'avait publié le label Cuneiform en 2003 sous le titre Solar Flores Burn For You, sur lequel on retrouve d'ailleurs le 4 titres qu'avait enregistré Robert Wyatt juste après l'été 74 et la sortie de l'album Rock Bottom, la BBC Session, qui était sortie aussi en version simple à la fin des années 80 en CD, mais qui doit être extrêmement rarissime aujourd'hui. Puis il y a quelques autres titres qui agrémentent cette très belle compilation, notamment un titre de musique d'un film expérimental assez incroyable qui figure d'ailleurs en version QuickTime sur ce CD sorti chez Cuneiform. Donc Robert Wyatt, comme je vous le disais, expérimentait beaucoup à l'époque. Juste après la dissolution de sa formation The Matching Mole, donc qu'il avait dissoute dû à pas mal de tensions, et notamment le fait qu'il se retrouvait beaucoup sur le devant de la scène et que ça lui plaisait pas forcément d'être un peu un animal de foire au sein de Matching Mall. Donc juste après, il s'était mis un petit peu au vert avec sa toute nouvelle compagne Alfreda Benj, qui à l'époque était assistante sur le tournage d'un film avec l'actrice Julie Christie, qui deviendra proche du couple et qui les aidera aussi financièrement après l'accident de Wyatt. Et donc elle était assistante d'un film à Venise, et pendant ce séjour, Alfreda lui a acheté un petit orgue portatif de marque Jem Riviera. Un orgue qu'on retrouve sur l'album Rock Bottom, avec un vibrato assez prononcé et qui fait pas mal du son aussi de Rock Bottom. Je propose de continuer toujours autour de cet album publié donc à l'été 1974 et sorti le 26 juillet, avec un autre titre du répertoire Hatfield and the North, un titre qu'il chantait d'ailleurs sur le premier album de cette formation, qui était sorti aussi, je crois, en 74, si je ne m'abuse, chez Virgin. Mais là, je vous propose d'écouter la version qu'il en avait donnée au Théâtre Royal Drury Lane le 8 septembre 1974, donc juste après la sortie de Rock Bottom. Il y avait eu un concert pour soutenir Robert Wyatt, assez mémorable, avec la plupart de ses amis de la scène de Canterbury. Et je propose donc d'écouter cette version du titre Calyx, qu'on retrouve d'ailleurs sur pas mal de formats, et notamment sur un coffret de EP CD qui était sorti à la fin de l'année 90 sur le label Hannibal. Et donc ça figure aussi sur ça figurait sur un pirate sous le nom de Las Vegas Fandango, ce concert au Théâtre Royal Drury Lane. Et ça a été enfin édité de manière très officielle par les bons soins du label Domino Records il y a de ça quelques années, à la fin des années 2000. On écoute le titre Calyx de Robert Wyatt, enregistré donc le 8 septembre 1974. Thank you. Little Red Riding Hood Hit the Road, le fameux titre extrait du sublissime album de Robert Wyatt, Rock Bottom, à l'honneur sur Antenne du 94, Megahertz et dans l'asile le plus sûr, à l'occasion des 40 ans de l'enregistrement, enfin plus exactement des 40 ans de la publication de cet album culte qui avait été enregistré entre février et mars 1974 et donc sorti à l'été, et d'ailleurs un disque qui avait été produit par son très proche ami de l'époque, Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, Robert Wyatt, qui était très très proche des Pink Floyd des débuts. D'ailleurs, ces fameux Pink Floyd avaient fait des concert de soutien après son accident au printemps 1973, concert qui avait permis de dégager pas mal d'argent et d'acheter un appartement avec Alfreda Benj. C'était aussi grâce d'ailleurs à des aides financières de Julie Christie, l'actrice qui était donc aussi une amie du couple. Et donc un titre sur lequel on retrouvait un trompettiste sud-africain, Mangezi Feza, plus connu du côté du jazz free et de l'impro européenne, notamment par des publications au sein des Blue Notes, le groupe qu'il avait eu aux côtés du pianiste Chris McGregor, et quantité d'autres projets à la fin des années 60, début des années 70, notamment du côté du label Ogun, un trompettiste qui a disparu assez tragiquement, qui est mort jeune, juste après l'enregistrement non pas de Rock Bottom mais de Rousse Is Stranger Than Richard, donc au milieu des années 70. On retrouvait aussi la basse de Richard Sinclair et la voix de Ivor Cutler, qui apparemment était quelqu'un qui faisait souvent les premières parties de Matching Ball avec ses textes surréalistes et son côté bard folk déglingué. Donc un titre avec pas mal d'expérimentation, l'impression d'entendre des boucles à l'envers, et c'est vrai que Robert Wyatt a beaucoup expérimenté de ce côté-là, notamment à l'époque de son premier disque solo The End of an Ear, l'idée de jouer avec le studio et avec le re-recording. En tout cas, c'est quelque chose, une composante de l'album Rock Bottom qui ajoute des couleurs assez incroyables à sa voix très très troublante. Voilà, donc juste avant l'album Rock Bottom, on a entendu donc un extrait du fameux concert du Théâtre Royal Drury Lane du 8 septembre 1974, comme disait la pub de l'époque de Virgin de la sortie de l'album Robert Wyatt Is Alive and Well, avec si je ne m'abuse une sorte de pierre tombale qui illustrait cette publicité assez décalée de l'époque. On va continuer avec un titre qui figure sur le premier 45 tours enregistré par Robert Wyatt dans la foulée du Rock Bottom, donc le titre Memories, qui est la face B donc de ce single sur lequel on trouvait sur la face A, que je retrouve mes petits papiers, le titre de Neil Diamond, I Am a Believer. Voilà, et je vais pas vous proposer en fait la version de ce 45 tours sur lequel on retrouve d'ailleurs Fred Friss au violon, mais la version enregistrée quelques années avant au sein de la formation de David Allen et sur l'album Banana Moon de 1971, sorti sur Big Actuel. Et pourquoi je propose ce titre-là? Parce que je trouve qu'il est nettement plus rock'n'roll, un enregistrement nettement plus roots et nettement plus convaincant au final de ce titre créé et composé par Hugues Hopper. On écoute donc le titre Memories, extrait du Banana Moon. Yeah. À l'instant, l'Asile le plus sûr, une version à couper le souffle de Ali Fib, le fameux titre de Robert Wyatt de l'album Rock Bottom à l'honneur ce soir. Une version que nous devons au duo One Lick Less. One Lick Less qui est le duo entre le batteur Basil Ferriot et le guitariste Julien Bansillon. Je crois que c'est lui qui est à la voix aussi. Donc, il s'agit d'un extrait de leur deuxième album Spirits of Marine Terrace, sorti l'an dernier, en 2013. Grâce aux bons soins des labels Les Disques de Plomb et Woosbrain réunis. Donc, une histoire de montrer un peu la postérité de Rock Bottom. Et une version très réussie. Il y en a eu beaucoup de gens qui se sont essayés à reprendre du Robert Wyatt, ce qui n'est pas mince affaire. En tout cas, cette version est extrêmement brillante, de même que ce disque avec une très belle pochette sérigraphiée sous le titre Spirits of Marine Terrace par One Lick Less. Et juste avant, on entendait la guitare banane de David Allen, extrait de son disque, son premier album solo sous le titre Banana Moon, qui était sorti à l'époque sous étiquette Big Actual Records, et sur lequel on retrouvait Robert Wyatt, donc en 1971, avec cette version de Memories. Le titre donc titre de Hugo Peur, son camarade de bassiste de Soft Machine, et je ne crois pas d'ailleurs que c'est lui qui officiait à la basse sur ce titre, mais plutôt Christian Tritsch de Gong. Et il y avait évidemment donc Wyatt à la batterie à l'époque. Voilà, je vous propose de continuer avec un nouvel extrait de Rock Bottom, qui est à l'honneur donc de cette émission, et cette fois-ci donc l'autre version du Little Red Robin Hood Hit the Road, mais la version assez tonitruante créée et composée par Michael Field, l'artiste maison de monsieur Richard Branson de Virgin. C'était à peu près à l'époque des Tubular Bells et des enregistrements au studio The Manor. Michael Field qui avait proposé donc à Wyatt de conclure le Rock Bottom par un morceau en forme de symphonie déflagration. Il y avait aussi Fred Friss d'ailleurs au violon sur ce titre, Ivor Cutler qui revenait un peu plus tard, mais on n'écoutera pas l'intégralité de cette pièce. Donc on écoute le démarrage du Little Red Riding Hood Hit the Road final. bloody Thursday, but his lordship's artificial limb could not be found. Therefore, having directed the servant to fill the bath, he seized the tongs and set out at once for the edge of the lake, where the throttle-footed spectre still loitered in a distraught manner. He presented it with a length of string and passed on to the statue of corrupted endeavor to await the arrival. Et voilà donc une séquence pour rappeler un peu les side projects de Robert Wyatt dans ces années qui ont suivi Rock Bottom. Là, il s'agissait du fameux The Hapless Child de Michael Mantler en compagnie de Carl Abley, Terje Schreibtal à la guitare, Steve Swallow à la basse, Jacques de Genette à la batterie et Alfred Abenge, Dick Mason et Albert Calder se retrouvait en speaker avec donc la voix de Robert Wyatt qui était exclusivement à la voix sur cet album qui était sorti chez Virgin et le label de Michael Mantler Watt en 1976, enregistré à l'automne 1975, histoire de se rappeler que à l'époque de Rock Bottom, Robert Wyatt avait été assez sollicité par pas mal de formations. Je pense notamment à Sla Papi avec laquelle il avait collaboré, évidemment aussi ses camarades de Enrico qu'il avait invité pour un des concerts de Londres de leur fameuse tournée 75-76. Ils y avaient d'ailleurs interprété en concert des titres de Rock Bottom, ce qui n'est pas arrivé depuis l'époque. Faut dire que Robert Wyatt se produit jamais, au grand jamais, en concert, ce qui est évidemment fort regrettable. Et également à cette époque, Robert Wyatt avait aussi enregistré aux côtés de Brian Eno dans son Before and After Science. C'était à peu près vers 1975 ou 76. Voilà pour les collaborations autour et un peu dans le prolongement de son album sorti le 26 juillet 1974, Rock Bottom, que je ne me lasse pas d'écouter depuis une bonne vingtaine d'années. Il faut dire que Robert Wyatt est assez feignant. Son dernier disque en date remonte à 2010, mais il s'agissait en fait d'une collaboration avec le saxophoniste britanno-israélien Gilad Atzmond et la violoniste Ross Stephen. Et sinon, il faut remonter à Comic Opera de 2007, qui était sorti chez Domino Records pour des compositions originale de monsieur Robert Wyatt. Donc on espère un nouvel album prochainement. Je vous souhaite une excellente nuit et on se retrouve avec une autre spéciale de l'été la semaine prochaine. Et on se quitte bien évidemment avec les titres dédiés à sa compagne Alfreda Benge, Alifib et Alifi. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Oh, Elephie, my lord. Billy Plop and Finger Hole. Naughty, was it Bundy? See? For Jangle and Bojangle. Trip, trip, bit, bit, bit, bit, bit, bit, I'm your dear little dolly.